بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، donc ceci est le cours numéro 16 dans la lecture du livre Fathul al-Malik, Fathul al-Rahim al-Malik al-Allam de l'imam le Cheikh Abdurrahman ibn Nasirin al-Sa'di rahimahullah ta'ala. Et le chapitre par lequel nous poursuivons la lecture de ce livre est le chapitre dans lequel l'auteur va parler de quatre noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont Al-Sami', Al-Basir, Al-Alim, Al-Khabir. C'est-à-dire Al-Sami', l'entendant. Al-Basir, le voyant. Al-Alim, l'omniscient. Et Al-Khabir, le parfaitement connaisseur. Le Cheikh dit donc dans ce chapitre Ay السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات سرها وجهرها سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. C'est-à-dire, celui qui entend tous les sons dans toutes les langues, quelles que soient les demandes et les besoins. Il connaît ce qui est exprimé en secret et ce qui est exprimé publiquement. Puis le Cheikh a cité le verset dont la traduction rapprochée du sens est sont égaux pour lui, c'est-à-dire Allah, sont égaux pour lui, celui parmi vous qui tient secrète sa parole, ainsi que celui qui la divulgue, celui qui se cache la nuit, comme celui qui se montre au grand jour. Donc le Cheikh, il a donné cette explication pour le nom As-Sami'. L'entendant, c'est-à-dire celui qui entend tous les sons dans les différentes langues, quelles que soient les demandes et les besoins, qu'ils soient secrets ou publics. Puis le Cheikh dit Al-Basir, alladhi absara kulla shay'in. Le voyant, c'est-à-dire celui qui voit toutes choses, qu'elles soient minimes ou qu'elles soient minimes et subtiles ou qu'elles soient apparentes. فيبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل. Il voit les pas de la fourmi noire sur une pierre, sur un rocher massif, dans une nuit obscure, dans l'obscurité de la nuit. ويبصر جريان الأغذية في عروق الحيوانات وأغصان النباتات. Il voit le cheminement des aliments dans les veines des animaux ainsi que dans les branches des plantes et de la végétation. ولقد أحسن من قال يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل ويرى نيات عروقها في نحرها والمخ من بين العظام النحل من بين عظام النحل أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. Ici, le cheikh a cité des vers de poème dans lesquels le poète invoque Allah subhanahu wa ta'ala en lui disant « Ô toi qui vois, ô toi qui vois, lorsque la mouche étend ses ailes dans l'obscurité de la nuit, dans l'obscurité de la nuit sombre, et qui voit la liaison de ses veines à sa gorge et le cerveau sous les os minuscules. Accorde-moi le repentir, accorde-moi un repentir par lequel tu m'effaceras ce qui est ce qui a émané de moi auparavant, dans le temps passé. C'est-à-dire que ce poète invoque Allah subhanahu wa ta'ala par le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala voit tout, même les choses les plus infimes. Et comme les savants ont expliqué, fait partie des fait partie des causes de l'exaucement des invocations, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms et ses attributs. Parmi les causes qui font que les du'as, que les invocations sont exaucées, le fait de l'invoquer par ses noms et ses attributs. Et comme nous avons vu dans les premiers cours de la lecture de ce livre, également les savants ont expliqué que fait partie ou que pour obtenir la récompense lié à 99 des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui est l'entrée au paradis, afin de donc obtenir cette récompense de l'entrée au paradis, il faut utiliser les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les invocations. Dans les invocations. Donc c'est pour cela que ce poète a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala par le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le voyant, celui qui voit tout. Et ceci montre l'indigence et la nécessité du serviteur qu'il a de son Seigneur. Puis le shir dit « Al-alim bi kulli shay alladhi la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama » L'omniscient, celui qui sait tout, celui que rien dans les cieux et sur la terre, celui à qui rien dans les cieux et sur la terre ne peut échapper, rien ne lui est caché et rien n'échappe à sa science. Wala ya'zubu an 'ilmihi shay, rien n'échappe à sa science. Ahata 'ilmuhu bil wajibati wal mustahilati wal ja'izat wa bil madiyati wal hadirati wal mustaqbalat wa bil 'alam al 'ulwi wal sufli wa bil khafiyati wal jaliyat. La science d'Allah subhanahu wa ta'ala englobe les choses obligatoires, les choses impossibles et les choses possibles, de même que sa science englobe les choses passées, les choses présentes et les choses futures, et sa science englobe le monde supérieur, ce qui est dans les cieux, ainsi que le monde inférieur, ce qui est sur terre. Et elle englobe les choses cachées comme les choses apparentes. Puis le shir a cité le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّاهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ » C'est-à-dire, dans la traduction rapprochée du sens du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable, les clés de l'invisible, pardon. C'est lui qui détient les clés de l'invisible. Nul autre que lui ne les connaît. Il sait ce qui est dans la terre, ainsi que ce qui est dans la mer. Pas une feuille ne tombe sans qu'il ne le sache, ni une graine dans les de la terre. Et il n'y a rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. Le shir dit يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى وَيَعْلَمُ مَا أَكَنَّتْهُ الصُّدُورُ وَمَا تُوَسْوِسُ بِهِ النُّفُوسُ وَمَا فَوْقَ السَّمَاوَاتِ الْعُلَى وَمَا تَحْتَ الثَّرَى. Il connaît les secrets et même ce qui est plus caché que cela, plus discret que cela. Il sait ce que cachent les poitrines et ce que suggèrent les âmes. Il sait ce qu'il y a au-dessus des hauts cieux, ainsi que ce qu'il y a sous la terre, ainsi que ce qu'il y a sous terre. Et le shir dit « Al-Khabir, alladhi adraka ilmuhu sara'ir, wa tala'a ala maknouni d-dama'ir. وعلم خفيات البذور ولطائف الأمور ودقائق الذرات في الظلمات في ظلمات الديجور. Il est le parfaitement connaisseur, celui dont la science décèle tous les secrets. Et il est celui qui connaît les choses cachées dans les esprits, tout comme il connaît ce qui est caché dans les germes. Et il connaît les choses les plus subtiles, ainsi que les particules des atomes dans le noir des ténèbres. Puis le shir, donc, nous explique ici, dans la suite, il nous dit فالخبير يرجع إلى العلم بالأمور الخفية التي هي في غاية اللطف والصغر وفي غاية الخفاء ومن باب أولى وأحرى علمه بالظواهر والأمور الجلية والعليم يدل بالمطابقة على الأمرين Il nous dit donc le shir. Donc son nom Al-Khabir, son nom Al-Khabir, le parfaitement connaisseur, revient à la connaissance des choses cachées qui sont extrêmement subtiles et petites et minimes. Et qui sont extrêmement cachées. Al-Khabir, donc, le parfaitement connaisseur, il revient à cela, à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, des choses les plus cachées et les plus subtiles et les plus petites. Puis le cheikh nous dit que, donc s'il connaît ces choses-là, alors, par conséquent, il connaît de façon encore plus évidente les choses apparentes. Puis il nous dit sur le nom, le cheikh nous dit ensuite sur le nom Al-Alim, l'omniscient, que l'omniscient, donc, inclut la connaissance des deux choses, des choses apparentes et des choses cachées. Le nom Al-Khabir, que le cheikh nous explique ici, c'est que le nom Al-Khabir, le parfaitement connaisseur, revient à la connaissance des choses cachées. Et par déduction, donc, s'il connaît les choses les plus cachées, il connaît donc par conséquent les choses apparentes. Alors que le nom Al-Alim, l'omniscient, il inclut en lui-même la connaissance des choses apparentes comme des choses cachées. Donc le cheikh a cité cela afin de nous faire comprendre la différence. Et que Al-Khabir revient aux choses cachées, à la connaissance des choses cachées, des choses subtiles et des choses les plus infimes. Alors que l'omniscient inclut la connaissance des choses infimes et des choses apparentes en soi. Puis le shir nous dit وكثيرا ما يأتي ذكر هذه الأسماء الكريمة في سياق الأعمال وجزائها ليوقظ القلوب وينبهها على إكمالها وإحسانها وإتقانها وإخلاصها وليرغبهم ويرهبهم. Donc le cheikh nous dit que les noms cités ici, ces nobles noms que le cheikh vient d'expliquer, sont souvent cités lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala parle des actes des créatures et de la rétribution sur ces actes, sur leurs actes. Les noms, l'entendant, le voyant, l'omniscient et le parfaitement connaisseur sont souvent cités lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des actes des créatures et de la rétribution, de la récompense qu'elles en récolteront. Et le shir explique pour la raison de cela, c'est afin d'éveiller les cœurs. Ceci, afin d'éveiller les cœurs et leur montrer l'importance de bien accomplir les œuvres, de les compléter, de les accomplir avec excellence et de la manière la plus parfaite possible, tout comme il nous cite ces choses-là afin que nous efforcions d'être sincères dans nos œuvres envers lui, et afin de nous encourager, de nous inciter à bien agir, et afin de nous faire peur si jamais nous venions à lui désobéir et à ne pas accomplir les œuvres telles qu'il l'aime. Puis ensuite, le shir va parler donc dans le chapitre suivant maintenant d'un autre nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a un lien avec les noms précédents, avec les noms que nous venons d'expliquer. Et ce nom, c'est El-Latif. El-Latif. Le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, El-Latif. Et il est souvent traduit par le doux. Mais la traduction qui me paraît la plus conforme au sens voulu, Wallahu ta'ala a'lam, et Allah est plus savant, la traduction qui me paraît donc la plus conforme serait plutôt de le traduire par le raffiné, de le traduire par le raffiné. El-Latif, le raffiné. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi cela lorsque je vais l'expliquer tel que le shir va l'expliquer ici. Le shir nous dit, El-Latifu min asma'ihi al-husna lahu ma'nayani. Le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, El-Latif, le raffiné, fait partie des noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a deux significations. Et il contient deux significations. Ahaduhuma bima'na al-khabir. Wa huwa anna ilmahu daqqa wa latafa. حتى أدرك السرائر والضمائر والخفيات. La première des significations du nom El-Latif, le raffiné, c'est une signification qui a le sens de, c'est le sens de El-Khabir. C'est-à-dire, c'est le même sens que El-Khabir, le parfaitement connaisseur. Dans le fait que la science d'Allah subhanahu wa ta'ala est extrêmement subtile et extrêmement fine, au point qu'il décèle les secrets, ce qui est caché dans les consciences. Et les choses qui sont cachées en général. Ça, c'est le premier sens du nom Al-Latif. Le premier sens, la première signification du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala Al-Latif, c'est la signification qui revient au sens du nom Al-Khabir, le parfaitement connaisseur, qui est le fait de connaître les choses les plus subtiles, les plus infimes, les plus cachées. والمعنى الثاني اللطيف الذي يوصل أولياءه وعباده المؤمنين إلى الكرامات والخيرات بالطرق التي يعرفون والتي لا يعرفون والتي يريدون وما لا يريدون وبالذي يحبون والذي يكرهون فيلطف بأوليائه فييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى ويلتف لهم فيقدر أمورا خارجية عاقبتها تعود إلى مصالحهم ومنافعهم. La deuxième signification de Al-Latif, la deuxième signification de Al-Latif, le raffiné, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est raffiné dans le fait qu'il amène ses alliés, il amène ses alliés et ses serviteurs croyants à des bienfaits. Il amène ses alliés et ses serviteurs croyants à des bienfaits et des bénédictions par des moyens qu'ils connaissent ainsi que par des moyens qu'ils ne connaissent pas, par des moyens qu'ils désirent comme par des moyens qu'ils ne désirent pas, qu'ils ne souhaitent pas, par des moyens qu'ils aiment comme par des moyens qu'ils n'aiment pas et qu'ils détestent. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est bon et doux envers ses alliés. Il leur facilite le bien et les écarte du mal. Et également, il est bon et doux avec eux, de sorte qu'il leur facilite des choses, ou plutôt afwan, qu'il décrète des choses extérieures, par le fait qu'il décrète des choses extérieures dont la finalité revient à l'intérêt de ses alliés. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa bonté et sa douceur envers ses alliés, il les amène au bien, soit par des moyens qu'ils aiment et des moyens qu'ils veulent emprunter, ou soit par des moyens qu'ils n'aiment pas et des moyens qu'ils ne désirent pas emprunter. Mais quoi qu'il arrive, la finalité de ces choses, il les fait passer par des épreuves et des difficultés pour les ramener à une chose dans laquelle il y a leur intérêt et une chose qui leur apportera bénéfice. Donc ça, c'est le deuxième sens du nom Al-Latif. C'est la bonté et la douceur d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa finesse dans le fait d'amener ses alliés et ses serviteurs croyants aux bienfaits et aux bénédictions par des moyens soit qu'ils aiment, soit qu'ils n'aiment pas. Allah subhanahu wa ta'ala, vu qu'il connaît la finalité des choses, il les fait passer par tout type de passage, que ce soit dans des facilités ou dans des difficultés, afin de les amener à ce qui constituera pour eux, au final, un intérêt et un bénéfice. قال يوسف عليه السلام: إن ربي لطيف لما يشاء. Le Cheikh ensuite cite la parole de Yusuf alayhi salam. Lorsque Yusuf alayhi salam a dit: Mon Seigneur est plein de douceur pour ce qu'il veut, pour quiconque il veut. Le Cheikh explique cela en disant: Ey, حيث قدر أمورا كثيرة خارجية عادت عاقبتها الحميدة إلى يوسف وأبيه وكانت في مبادئها مكروهة للنفوس ولكن صارت عواقبها أحمد العواقب وفوائدها أجل الفوائد. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété des choses, a décrété beaucoup de choses, beaucoup de causes extérieures, dont la finalité a été bonne pour Yusuf alayhi salam ainsi que son père. Et vous connaissez, beaucoup d'entre vous connaissent l'histoire de Yusuf qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a raconté dans le Coran. Lorsque ses frères, il a été éprouvé par la jalousie de ses frères, qui l'ont jeté dans un puits afin de se débarrasser de lui pour que leur père oublie Yusuf alayhi salam. Puis ensuite les épreuves que Yusuf a connues lorsqu'il a vécu alayhi salam, lorsqu'il a été attrapé puis vendu comme esclave, puis il a été éprouvé par la femme de celui qui l'avait pris chez lui, lorsqu'elle a essayé de le tenter, puis lorsqu'il a été éprouvé à la suite de cela par de la prison, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse ressortir son innocence et lui accorde une haute place dans la société dans laquelle il a vécu, jusqu'à ce que ses frères se retrouvent dans une position inférieure à lui demander de leur accorder de la subsistance pour eux et leur famille. Puis, à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala a élevé Yusuf de sorte que toute sa famille a finalement reconnu son mérite et sa supériorité par rapport à eux. Donc, c'est pour cela que le Cheikh a cité ce verset, cette parole de Yusuf, lorsqu'il dit: Mon Seigneur est certes plein de douceur pour ceux qu'il veut. Car Allah subhanahu wa ta'ala, comme le Cheikh nous explique, a décrété beaucoup de choses dont la finalité a été bonne pour Yusuf et son père, alors qu'au départ, elles étaient des choses détestables en apparence. Mais au final, donc, elles sont devenues les choses, leur finalité a été des plus louables et a constitué un énorme avantage, le plus grand des avantages pour Yusuf alayhi salam. Donc c'est le deuxième sens du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, El Latif, dans le sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala est doux et il est bon envers ses serviteurs croyants, et qu'il les amène au bien de différentes façons, que ce soit par des façons qu'ils aiment ou des façons qu'ils n'aiment pas, par des moyens qu'ils veulent ou par des moyens qu'ils ne veulent pas, par des choses qu'ils veulent, qu'ils connaissent, pardon, par des choses qu'ils connaissent ou par des choses qu'ils ne connaissent pas. Lorsque l'être humain est éprouvé, il se dit, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala me donne cette épreuve? Pourquoi suis-je dans la difficulté? La plupart des gens réagissent ainsi, alors que le croyant sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne fait rien au hasard et que tout ce qui touche le croyant, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme est étonnante la situation du croyant, tout ce qui lui arrive est un bien. S'il lui arrive une facilité, il est reconnaissant et c'est un bien pour lui. Et s'il lui arrive une difficulté, il est endurant et c'est un bien pour lui. Et ceci n'est donné à personne si ce n'est au croyant. Il n'y a que le croyant, celui qui est sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a que lui qui jouit de ce bienfait qui est qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde le bien dans toute chose, que ce soit par les choses plaisantes ou les choses déplaisantes. Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde la fin heureuse, la fin louable. Et c'est ainsi que se termine le cours d'aujourd'hui. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.